soir là, nous te fait un petit sorti. Formé de belles anneaux. En belle paire soulier et en belle petite robe moulin. Là, c'est bifou, moi je l'ai senti. Même si des fois, moi super énervé. Ça n'a pas fait rien, c'est la vie qui a continué. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquaise là. Faut sentir, vous voulez parler, oh, faut sentir, vous voulez parler. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquaise là. Faut sentir, vous déposer, oh. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquaise là. Faut sentir, vous voulez parler, wow.